إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda للشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. Et nous nous sommes arrêtés à ce chapitre dans lequel il dit حفظه الله ثانيا إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. Donc deuxièmement faire apparaître la voix des pieux prédécesseurs et leur position, la position des suiveurs, des pieux prédécesseurs vis-à-vis des gens de l'innovation. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود والإمام ابن ماجه والإمام الدارمي والإمام ابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع وغيرهم وهو حديث صحيح. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la fin du hadith. Sinon le hadith, c'est le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, qui commence par la parole de l'Irbad radiyallahu anhu, qui dit وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدِّعٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنَا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Puis il a cité la suite: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Donc dans ce hadith de l'Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux. Nous avons pensé alors que c'est une exhortation d'adieu. Alors nous avons dit: ô messager d'Allah, fais-nous des recommandations, conseille-nous. Et alayhi salatu wassalam, il leur dit: je vous recommande la piété envers Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'écouter et d'obéir à votre gouvernant, même si c'est un esclave qui devient votre gouvernant, qui devient votre chef. Car celui parmi vous qui vivra verra beaucoup de divergences, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire après que j'ai quitté ce bas monde, vous verrez beaucoup de divergences et de différends qui vont apparaître. Ça, c'est la maladie. le mal qui va apparaître dans la communauté. Et le prophète alayhi salatu wa salam donne le remède, donne l'issue de sortie de ce problème. Et il dit, alors, pendant ces moments-là, lorsque ce mal apparaîtra, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alors cramponnez-vous, attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la à pleines dents. C'est-à-dire, ne la quittez pas, la sunna. Restez ferme dedans. Même si on essaie de vous en faire dévier, ne déviez pas. Mordez-la à pleines dents. Et attention et à toute nouveauté en religion. Car toute nouveauté en religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi wasfi al-firqa al-najiyya. وقد قيل له من هي يا رسول الله ما أنا عليه وأصحابي. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a précisé l'aspect de la faction rescapée du groupe sauvé dans sa communauté lorsqu'il fut questionné, et c'est lequel. Il répondit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi, ainsi que mes compagnons. Et ça, c'est la fin d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc dans ce hadith, le prophète sallam nous informe que les juifs se sont divisés en 71 tendances ou groupes, les chrétiens en 72. Et cette communauté, la communauté musulmane, elle se divisera en 73. Ils iront tous dans le feu de l'enfer. Pourquoi ? Pour avoir dévié, pour s'être écarté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas entrepris convenablement la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Il dit sauf un seul dans cette communauté. Un seul sera épargné, un seul sera rescapé. Et les compagnons ont demandé, qui est-ce au messager d'Allah? Il répondit, alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana mustannan falyastan biman qad mat. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا الأثر رواه الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. Donc ce compagnon, cet honorable compagnon qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dit, celui qui veut prendre quelqu'un comme exemple, qui veut suivre des personnes précises alors qu'ils suivent ceux qui sont déjà morts. Là, c'est Ibn Mas'ud, il dit, suivez les compagnons, les grands compagnons qui sont déjà morts. On sait ce sur quoi ils sont morts. Ils sont morts dans le droit chemin. Et c'était des bons exemples pour toute personne qui cherche le véritable islam. Et ça aussi, c'est un enseignement. La personne qui est morte, on sait ce sur quoi elle est morte. Mais le vivant, on ne sait pas comment il terminera sa vie. On sait qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Et sa réalité réelle ne la connaît que Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ce sur quoi il va mourir, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. On ne sait pas dans quoi il va mourir. Alors que la personne qui est morte, les honorables personnes, les grands savants de la sunna, qui étaient dans la sunna jusqu'à leur fin, ceux-là on sait sur quoi ils sont morts. Mais le vivant, on ne sait pas. Tayyib. Il dit, celui qui veut suivre, alors qu'ils suivent ceux qui sont déjà décédés. Les voilà, les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les meilleurs de cette communauté. Ils sont ceux qui ont les cœurs les plus purs et les plus pieux. Et ils sont ceux qui ont le meilleur et le savoir le plus parfait. Wallahi, c'est très grave. Certaines personnes qui sont venues des siècles plus tard et qui se sont adonnées à détailler le savoir plus que ce qu'avaient donné les pieux prédécesseurs, en pensant que plus la personne parle, et plus cela est un argument pour dire qu'il a de la connaissance. Faux. Les pieux prédécesseurs sont ceux qui avaient la meilleure des sciences et la science la plus complète et la plus parfaite. Mais ils ne faisaient que ce que la religion leur demandait. Lorsqu'ils parlent, ils parlent avec science. Lorsqu'ils se taisent, ils se taisent sur une science. Pas comme des gens qui pensent que pour prouver qu'ils ont de la science, c'est de parler, parler, parler. Les pieux prédécesseurs, en règle générale, on retrouvera que leurs paroles, elles étaient concises, mais elles étaient pleines de science et de sagesse. Et ceux qui sont venus après ont développé bien plus, mais combien d'erreurs et de problèmes il y a dans leurs propos. Wallahu al-musta'an. Ils s'en sont même arrivés à dire une phrase lorsqu'ils ont dit, et ça c'est le problème de la déviance de la sunna, ils ont dit, madhhab al-salaf aslam. ومذهب الخلف أعلم وأحكم والعياذ بالله. Qu'Allah nous en préserve de dire ce genre de propos. Ils ont dit, la voie des prédécesseurs, elle est plus saine. Mais celle des successeurs, ceux qui sont venus plus tard, elle comporte plus de science et plus de sagesse. والعياذ بالله. Alors que non, la voie des pieux prédécesseurs, là-dedans il y a, c'est la plus saine, la plus savante et la plus sage. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce sont ceux qui se retenaient le plus de faire des efforts là où il n'y a pas à en faire. أَقَلُّهَا تَكَلُّفًا. Ils se contentaient de ce qui était demandé. Ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin, de développer ce qu'il n'y a pas à être développé, comme l'ont fait les gens qui sont venus après eux. Parce qu'il y en a qui pensent que de ne pas parler beaucoup, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe d'ignorance. Wal'iyadhu billah. Non. La langue, plus elle parle, et plus il y a des chances que il y a des erreurs, il y a du faux, il y a du mensonge. Sahaba radiallahu anhum faisait tout pour ne pas parler. On a des récits. Une question est posée à l'un d'entre eux, il regarde son frère s'il peut répondre à sa place. Et lui, il attend un autre, il répond à sa place. Même des hadiths du prophète, sallam, il y a des compagnons, et ils les ont donnés qu'avant leur mort, de peur d'avoir caché une science. Tellement qu'ils avaient peur de ce qui va sortir de leur bouche. Ce sont des gens, les compagnons, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour tenir compagnie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour transmettre sa religion, essayer de leur ressembler dans leur comportement et dans leur chemin qu'ils suivaient, car ils étaient certainement sur le droit chemin. قال الإمام أحمد، c'est-à-dire Ibn Hanbal رحمه الله تعالى، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. Et ceci est rapporté dans شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. Que l'imam Ahmed ibn Hanbal رحمه الله a dit, et ça c'est un petit épître, un petit ouvrage de l'imam Ahmed qui s'appelle Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, les fondements du chemin à suivre, celui sur lequel était le prophète, ainsi que, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Donc il dit, les fondements de la Sunnah, les fondements du dogme chez nous, parce que les premiers, les ouvrages qu'ils écrivaient sur, dans le dogme, parmi eux, il y en a qui les appelaient, ils les intitulaient « As-Sunnah ». « As-Sunnah », c'est-à-dire le dogme selon la Sunnah, le dogme sur lequel étaient les pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ouvrages qui s'appellent « As-Sunnah », comme « As-Sunnah »,« Sharh As-Sunnah », l'imam al-Barbahari, « Sharh As-Sunnah », l'il-Baghawi, « Sharh Usul i'tiqad ahli as-Sunnah », l'il-Lalakai, « As-Sunnah », l'imam Abdillah, ibn l'imam Ahmed ibn Hanbal, et ainsi de suite. Combien d'ouvrages qui portent ce nom, et dedans, il y a la aqida, le dogme, la croyance des gens, des adeptes de la sunna. Donc il dit, les fondements de la sunna chez nous, c'est quoi? C'est l'attachement au chemin dans lequel étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre leur chemin, et le délaissement des innovations. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم. Et de toute époque, de toute génération, les imams de la sunna et les savants de la sunna ont appelé au suivi des pieux prédécesseurs et d'être sur leur chemin. وسلوك طريقهم وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة. Et les adeptes de la sunna se sont toujours argumentés dans la religion par et pour leurs croyances et leurs dogmes par ce qu'on retrouve dans le Coran, le livre d'Allah, et par les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils ne trouvent pas la réponse dans le Coran ou dans les hadiths authentiques, alors ils regardent dans les récits authentiques des pieux prédécesseurs parmi les sahaba, les compagnons, et parmi les tabi'in, et parmi la génération qui est venue après les tabi'in, ceux qui sont connus pour leur imama et leur savoir dans la sunna. Qala l'imam ibn Kathir rahimahullah fi tafsir qawlihi ta'ala thumma stawa ala l'arsh. Al-Hafidh, l'imam ibn Kathir, le grand savant et le grand exégète du Coran connu, il dit dans son commentaire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il s'est élevé au-dessus du trône. فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا مَقَالَاتِ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا وَإِنَّمَا يُسْلَكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Il dit, concernant ce verset qui parle de l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a eu beaucoup de propos, il y a eu beaucoup d'opinions, les gens ont eu beaucoup de paroles là-dessus. Mais dans son tafsir, il dit, là ce n'est pas le moment de détailler cela, mais plutôt il faut dans ces questions-là s'en remettre à la voix des pieux prédécesseurs. Parce que des tendances, des sectes qui ont parlé sur ces versets coraniques, il y en a eu. Qui ont dévié sur ces questions, il y en a eu. Et il aurait pu les détailler. Mais là, il dit, ce n'est pas le moment. Là, ce n'est pas le moment, mais plutôt, on va se contenter de ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs, qui est la vérité, et la véritable opinion, et la véritable explication du verset coranique. Il dit, comme qui ? Il cite des noms. Malik, wal-Awza'i, wal-Thawri, wal-Layth ibn Sa'd, wal-Shafi'i, wa-Ahmad ibn Hanbal, wa-Ishaq. Donc il a cité parmi les grands imams et les grands savants des premières générations qui ont expliqué ce verset de la meilleure manière. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. Il est du 8e siècle, un peu après la mort d'Ibn Taymiyyah رحمهم الله. Et il a commenté la aqida qui s'appelle al-aqida al-tahawiyya. Et il dit dedans: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. Donc cet imam dit: et j'ai aimé commenter ce livre, expliquer ce livre en prenant le chemin des pieux prédécesseurs dans leurs paroles. Il prend ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs pour expliquer l'aqida. Et que je me fasse tout petit en rapportant ce que eux ils ont dit. Bien sûr qu'on est petit face aux pieux prédécesseurs. Et on se doit de les suivre si on veut être dans la droiture et le droit chemin. En faisant cela, il se peut que je sois admis avec eux et que je rentre et que je sois du nombre d'eux. وقال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار. الإمام الذهبي du 8e siècle de l'Égypte, élève d'Ibn Taymiyyah rahimahumullah, de même qu'Ibn Kathir, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah rahimahumullah. Al-Imam al-Zahabi, ce grand savant et ce grand historien de l'islam, il a un livre qui s'appelle Al-Ulu, l'élévation, un très bel ouvrage, et qui a été résumé par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il a retenu que les récits authentiques dans le résumé qui s'appelle Mukhtasar Al-Ulu, le résumé du livre de l'élévation. Et l'imam Zahabi, il ramène tout ce qui a été dit sur l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, en ramenant les hadiths, les versets, les hadiths, les paroles des compagnons, des tabi'in, des atba'a tabi'in, de génération en génération, chronologiquement jusqu'à son époque. Il ramène tous ceux qui ont parlé et qui ont expliqué l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est dans un seul volume, et à chaque fois qu'il cite un imam, il y a sa date de mort qui est précisée. Pour bien expliquer que les pieux prédécesseurs n'ont jamais expliqué ces versets coraniques comme le font les sectes égarées qui ne veulent pas accepter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé pour lui-même. Subhanallah. C'est Allah qui le dit dans le Coran, eux ils disent non. Allah il dit, il est élevé au-dessus de son trône, ils ont dit non. Ici l'élévation, ça ne veut pas dire l'élévation, ça veut dire autre chose. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu une pensée que l'élévation ressemble à l'élévation des créatures. Donc, il n'y a pas d'élévation. Ils démentent Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah il est au-dessus de son trône. Ils disent non, le prophète ne voulait pas dire ça. Il y a un sens qui est caché. Que eux font les efforts là où ce n'est pas demandé. ce sont des efforts inutiles. Et voilà ce que ne faisaient pas les compagnons. Tout à l'heure, on a parlé d'Ibn Mas'ud. Aqalluhum takallufa. C'est ceux qui ne faisaient pas d'efforts inutiles. On appelle ça un effort inutile. Quelqu'un qui s'efforce à trouver une explication à une phrase qui est claire, explicite, qui n'en a pas besoin. Subhanallah. Et il considère les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce sont des versets qui prêtent à équivoque. Alors qu'en réalité, ce sont des versets qui ne prêtent pas à équivoque. Ils nous sont rapportés dans une langue arabe claire. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, lorsque l'homme est entré dans la mosquée, et il lui a dit « Ar-Rahman, ala al-arsh istawa, le très miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Kaif, comment ?» La question qu'il n'avait pas le droit de poser. Mais lui, il l'a posée. Jamais sahaba, radiallahu anhum, ils ont entendu les versets coraniques. Ils les ont récités. Ils les ont enseignés. Jamais ils se sont posé cette question. Ils prenaient les textes comme ils leur venaient. Subhanallah. Jamais ils ont dit au prophète, sallam, qu'est-ce que ça veut dire l'élévation? Qu'est-ce que ça veut dire la main d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire le visage? Ils ne rentraient pas dans ça. Ils ont la conviction qu'aucune créature ne ressemble au Créateur. Mais au même moment, on reconnaît ce qu'Allah s'est reconnu à lui-même. Ou ce qu'il lui a affirmé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques. Donc l'imam Malik, rahimahullah, il lui dit quoi? Il lui dit « Al-istiwa ma'loum ». L'élévation est connue. Le terme « élévation » dans la langue, c'est connu. Tout arabe comprend le terme. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبُ. Et d'y croire, c'est une obligation. Tu n'as pas le droit de croire en une partie du Coran et de ne pas croire en une autre partie du Coran. Celui qui fait cela, il sort de l'islam. Le musulman croit en toutes les paroles d'Allah. Et toute parole d'Allah est une vérité. طيب. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et de poser cette question, c'est une innovation. Ça n'existait pas. Les gens d'avant ne posaient pas cette question. Puis il ordonna qu'on fasse sortir cet homme de la mosquée, puisqu'il allait perturber les gens dans leurs croyances et leurs convictions. Tayyib. Donc l'imam al-Zahabi, rahimahullah, dit dans son ouvrage, فَإِنْ أَحْبَبْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْإِنصَافِ فَقِفْ مَعَ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ ثُمَّ انْظُرْ مَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَمَا حَكَوْهُ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ فَإِمَّا أَنْ تَنْطِقَ بِعِلْمٍ وَإِمَّا تَسْكُتْ بِحِلْمٍ. Il dit, rahimahullah, ô serviteur d'Allah, si tu veux, si tu aimes être juste dans ton jugement, droit dans ton jugement, alors arrête-toi avec ces textes coraniques et ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, tu les prends. Tu as le verset, tu as le hadith. Ne va pas chercher une explication de toi-même. Regarde ce que les salafs, les pieux prédécesseurs, comment ils ont expliqué les textes. Il est interdit à une personne d'interpréter le Coran, d'expliquer le Coran de lui-même. Il regarde comment les sahaba ils ont expliqué le Coran, comment les tabi'in ont expliqué le Coran. Il y en a, ils disent, c'est bon, j'ai l'arabe. Je vais pouvoir... Et alors, ils disent quoi aussi? À chacun sa lecture du Coran. Ça, ils le disent pour le Coran. Mais pour les autres ouvrages, ils ne le disent pas. C'est comme si vous êtes en cours de maths, à chacun sa lecture du livre. Ouais, le prof, tu as compris comme ça, moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Non, mais subhanallah, tu fais une thèse, on te met un zéro, tu dis non, non, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai compris comme ça, vous avez compris. C'est agib. Et ils disent quoi pour le Coran? Ça, c'est ta lecture, ça, c'est ma lecture. On est un milliard, il y a 1 milliard de lectures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les gens sur combien de chemins? Un seul chemin. Les sahaba radiallahu anhum, parmi eux, il y en a qui ont mal compris un verset coranique. Est-ce qu'il a été rapporté que l'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi tu l'as compris comme ça et moi je l'ai compris comme ça? Non. Quand le prophète lui disait, voilà l'explication du verset, le sahabi se pliait et il se soumettait à l'explication du prophète alayhi salatu wa sallam. Adi ibn Hatim radiallahu anhu, il lit le verset coranique, mangez et buvez jusqu'à que vous distinguez le fil blanc du fil noir de la nuit, de l'aube. Et ben il a pris un fil blanc, il a pris un fil noir, il l'a mis en dessous de son oreiller. Et il croyait qu'il pouvait manger et boire jusqu'à qu'il distingue le fil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ça c'est aussi dans le ciel. C'est le lever de l'aube, subhanallah. Ben, voilà, il avait mal compris. Mais c'est réglé. Ça y est, il a eu l'explication. Subhanallah. Donc, Al-Qur'an, il y a des versets que d'autres versets viennent expliquer. On appelle ça tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Explication du Qur'an avec le Qur'an. On a un verset coranique et dans un autre verset, il y a le détail de ce verset. C'est ce qu'on appelle expliquer le Coran avec le Coran. On a l'explication du Coran par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les livres de hadith, vous avez un chapitre qui s'appelle Kitab al-Tafsir. Le chapitre de l'explication du Coran. Dans les livres de hadith, vous avez un chapitre qui s'appelle l'explication des versets coraniques. Et vous avez, il rapporte les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces hadiths. Vous avez les explications des sahaba radiallahu anhum, et parmi lesquels qui est connu pour l'explication du Coran, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus connus dans les compagnons pour l'exégèse du Coran, dans les tabi'in et ainsi de suite. Puis on a les ouvrages de tafsir, les compilations dans le tafsir où ils expliquent le Coran, les versets d'après certains versets, d'après les hadiths, d'après les récits des plus prédécesseurs, comme tafsir al-imam al-Tabari, rahimahullah, tafsir al-imam al-Nasa'i, sahib al-Sunan, tafsir ibn Abi Hatim al-Razi, rahimahullah al-Jami', tafsir ibn Kathir, tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Sa'di, tafsir al-Shinqiti, rahimahumullah, تفسير تفسير الشيخ العثيمين رحمه الله العلماء فيه donc on regarde ce que les ulama comment eux ont expliqué. Ibn Taymiyyah رحمه الله il dit, si pour l'explication d'un verset on a d'après les récits des plus prédécesseurs deux opinions, on a regardé chez les plus prédécesseurs et on a vu que pour tel verset il y avait deux manières de l'expliquer, il a dit tu n'as pas le droit de ramener une troisième manière. Tu t'arrêtes là où ils se sont arrêtés. Eux, à leur époque, bénis, ils ont expliqué ce verset coranique. On peut le comprendre comme ça, comme on peut le comprendre comme ça. Tu n'as pas, toi, à dire, « Eh ben non, moi, j'ai une nouvelle idée. » Ou une nouvelle compréhension. « Wal'iyadhu billah. » Tayyib. Donc, si tu veux la droiture, si tu veux être juste, alors arrête-toi face au verset coranique et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis regarde ce qu'ont dit les compagnons et les tabi'in là-dessus et les imams du tafsir concernant ces versets. Et ce qu'ils ont rapporté comme récit ou opinion des pieux prédécesseurs. Donc ce sera soit tu vas parler avec science, ou soit tu vas te taire. Tu ne parleras pas parce que tu n'as pas de science là-dessus. فَقَدْ اِحْتَاجَ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَى بَيَانِ إِظْهَارِ مَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِينَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْمَعْرُوفُونَ بِهَا. Donc, les adeptes de la sunna se sont retrouvés dans le besoin de faire apparaître clairement la voie des pieux prédécesseurs, ceux dont il n'y a aucun doute qu'ils sont les adeptes de la sunna et qui sont connus pour la sunna. Ihtaju ila idhar dhalik lamma bazaghat qurun ahli al-bid'ah wal khilaf. Ils se sont retrouvés dans le besoin de faire renaître, de faire réapparaître la voix des pieux prédécesseurs lorsque sont apparues les cornes des adeptes de l'innovation et de la divergence. فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا اي اصحاب هذه الفرق يرون انهم على حق وانهم الفرقه الناجيه. Et surtout que lorsque ces sectes et ces tendances sont sorties, ils se prétendaient comme étant les gens de la vérité et comme étant la faction rescapée et le groupe sauvé. ويستدلون على اقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة. Et pour prouver leurs opinions et leur voie qu'ils ont entrepris, ils se sont argumentés avec des textes coraniques et des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. ينزلونها على آرائهم. Mais ils ramènent le verset et le hadith, mais en l'expliquant comme le veut leur opinion, selon le chemin qu'ils ont entrepris. وَيَصْرِفُونَهَا عَمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُهَا. Et ils détournent ces textes de leur sens apparent. Tablir, le khuruj, ils trouvent un texte où il y a le terme kharaja, ils disent, eh ben là, c'est un dalil ça, on a le droit. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. Vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait surgir sur terre. Ukhrijat. Ah, ils voient bien. Kharaja. C'est bon. Ça veut dire, voilà, on a un verset coranique. On a le droit de faire le khuruj. Subhanallah. Vous avez vu? Le fait de faire croire aux gens qu'un terme, il a un sens bien précis, qui n'est pas le véritable sens, eh bien, il part de là. Les soufis qui sautent en l'air, qui dansent, et ils disent, on fait du zikr. Il te ramène le verset coranique. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis et allongés sur leur côté. Vous avez vu? Dans toutes ces positions. Et il, subhanallah. Il vous ramène des textes. Mais ce n'est pas l'explication des textes. Ce n'est pas le véritable sens des textes. Lorsqu'on retourne à l'explication des pieux prédécesseurs, on ne retrouve pas cette explication. Subhanallah. Mais combien de gens tombent dans ce piège-là? Et il y en a qui disent, ah, mais c'est vrai, on peut comprendre le verset comme ça. Subhanallah. Avant de parler, regardez comment le prophète a expliqué le Coran. Comment les sahabas ont expliqué le Coran. Comment les tabi'in ont expliqué le Coran. Et eux, il n'y a aucun doute qu'ils étaient sur le droit chemin et qu'ils étaient sur l'islam authentique. طيب 4 mois, 40 jours. Hein, il te ramène le verset coranique où il y a un répit qui est fait au polythéiste de la Mecque pendant 4 mois. Après la au moment de la conquête de la Mecque dans la sourate Bara'a. La sourate numéro 9. Et il y a le chiffre 4 mois. Et donc, vous avez vu ça, c'est un délire comme quand on peut faire 4 mois de khuruj. Il est parlé des polythéistes. Subhanallah, c'est un répit qu'il leur est donné. Comment vous pouvez, subhanallah, Moussa alayhi salam, le rendez-vous qu'il a avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, 30 jours, puis il a été augmenté de 10 jours, ça fait 40 jours. Ils ont dit, voilà, ça aussi c'est un délit comme quand on fait les 40 jours. Wallahi, Allahul Musta'an. Comment des gens acceptent l'ignorance et ils pensent donc qu'ils ont des preuves de ce qu'ils prétendent. Wal'iyadhu billah. Donc, ils s'argumentent. Comme disait Ibn al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, rarement vous trouverez un innovateur qui n'a pas une preuve pour son innovation. Le problème, c'est que cette preuve qu'il ramène, est-ce qu'elle est pour lui ou est-ce qu'elle est contre lui? Et là, et c'est une autre question. وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ Et ils prétendent qu'ils sont les suiveurs du livre et de la sunna. وَرُبَّمَا الْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عَامَّةِ النَّاسِ Et il se peut que la question, elle soit floue pour la masse des gens. Bah, les gens, ils pensent que, ouais, bah, qu'ils disent vrai et qu'ils ont des preuves et qu'ils ont des textes. فَهُنَا احْتَاجَ النَّاسِ إِلَى إِظْهَارِ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَبَيَانِهِ Et c'est pour cela que les gens se sont retrouvés dans le besoin qu'on leur fasse apparaître clairement la voie des pieux prédécesseurs et clarifier cette voie. Et c'est ce que les ulama, ils disent, ça ne suffit pas de dire « Je suis le Coran et la Sunna ». Oui, tu suis le Coran et la Sunna, mais il faut une précision. Avec quelle compréhension ? Quelle compréhension ? Tout le monde dit « On suit le Coran et la Sunna ». Toutes les sectes, elles disent « On suit le Coran et la Sunna ». Tayyib, avec quelle compréhension ? La compréhension de quelle génération ? Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà le véritable islam. ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف. Et c'est pour cela que les savants parmi les imams, les grands imams et les grands savants de l'islam, ils faisaient l'effort de bien clarifier lorsqu'ils ramènent les questions de dogme, de croyance, pour prouver que c'est la véritable parole, ils s'argumentaient et ils le prouvaient en nous montrant que ce sont les paroles de ceux qui les ont précédés parmi les plus prédécesseurs. Il ne s'arrêtait pas en disant seulement la croyance c'est ça parce que le Coran il dit ça et la Sunna dit ça mais aussi il ramène et le Sahabi a dit et l'imam Tabi'i il a dit et l'imam Intel il a dit pour bien prouver qu'il n'est pas le premier à l'avoir ramené et qu'il a été précédé par les premières générations et que c'est bien la croyance sur laquelle étaient les premiers musulmans. من الصحابة والتابعين وتابعيهم parmi les prédécesseurs parmi les compagnons les تابعين et ceux qui les ont suivis ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم pour qu'on sache que ce qui va en contradiction avec la parole de ces imams de ces pieux prédécesseurs ne fait pas partie de leur opinion ni de leur guidée وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف et qu'il sache aussi que ces propos ne sont que les opinions des gens de l'innovation et de la divergence. ثالثا troisièmement جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية la permission l'autorisation de s'affilier aux pieux prédécesseurs et de se nommer salafiyya. Min al-ma'ruf anna ad-da'wa ila ittiba' as-salaf aw ad-da'wa ila as-salafiyya innama hiya da'watun ila al-islam al-haq. Il est bien connu que l'appel au suivi des pieux prédécesseurs ou le prêche salafi en réalité ce n'est que le prêche vers l'islam authentique, véritable. Wa ila sunnatil mahdha. Et c'est le prêche et l'appel à la sunna. Wa da'wa ila al-auda ila al-islam kama unzila 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa talaqqahu 'anhu ashabuhu al-kiram radwanullahi 'alayhim. Et que c'est un appel au retour, un prêche au retour vers l'islam comme il fut révélé, comme il fut descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comme l'a reçu les compagnons honorables ridwanullahi alayhim. « فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق. Donc il n'y a aucun doute que ce prêche est un prêche de vérité et s'affilier à ce prêche est une vérité. وقد كان الأئمة وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة. Et les imams de l'islam, parmi les adeptes de la sunna, sont ceux qui ont eu le plus grand travail accompli dans le prêche à la sunna. وَالْعَوْدَ إِلَى طَرِيقَةِ السَّلَفَ مَنْهَجِهِمْ. Et d'appeler au retour vers le cheminement et la voie des pieux prédécesseurs. وَالْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ. Et de les suivre. وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ. Et parmi ces grands imams qui ont accompli ce grand travail, Imam Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, l'Imam Ahmed ibn Hanbal, wal Imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, wal Imam Abu Bakr Muhammad ibn Hussein al-Ajurri, wal Imam Abu Abdullah ibn Battah al-Ukburi, wal Imam Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad Al-Asbahani, rahimahumullah. À titre d'exemple, il a ramené ces grands noms qui ont écrit des ouvrages pour expliquer et pour nous rapporter ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Thumma, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa tilmidhuhu al-Imam ibn al-Qayyim, thumma Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa a'immatu al-da'wa min ba'dihi. Puis, des siècles plus tard, est apparu le grand savant, le cheikh de l'islam, Abu al-Abbas, Ahmed ibn Abd al-Halim, ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son grand élève, Al-Hafidh, ibn al-Qayyim, rahimahullah. Puis des siècles plus tard, est apparu le cheikh de l'islam, le grand savant, l'imam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, et les imams de la da'wa qui sont venus après lui. مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ. Et on voit que l'apparition et le travail accompli pour faire apparaître la voie des pieux prédécesseurs, elle a existé tout le long de l'histoire. يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. Et il prend ce cheminement, il prend sa religion et sa croyance du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallam, et des récits des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, les tabi'in et ceux qui les ont suivis parmi les trois générations qui ont été, dont le prophète sallam a témoigné de leurs biens, et ils se mettent en rempart contre toute déviance innovée qui sort de ses fondements de base. إذا عرف ذلك. Puisque maintenant on a compris cela, on revient au titre de ce chapitre, la permission, l'autorisation de s'affilier aux pieux prédécesseurs et de se nommer salafi. Wahuwa, et qui est jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyya. Yaqul le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah dit la aïba على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا الفتاوى. Donc Ibn Taymiyyah رحمه الله dit dans ses fatawas, dans la compilation de ses fatawas, il n'y a aucun mal à faire apparaître la voix des pieux prédécesseurs et de s'affilier à cette voie et d'en être fier, même plutôt c'est un devoir d'accepter cela, car la voie des pieux prédécesseurs, il n'y a dedans que la vérité. Wa qala as-Sam'ani fi al-Ansab rahimahullah as-Salafi bi fath as-Sin wal-Lam wa fi akhirha al-Fa Sin Lam Fa, un fatha sur le Sin, fatha sur le Lam, Salaf, et qui se termine par la lettre Fa. L'imam Sam'ani, dans son livre Al-Ansab, il dit, et là il ramène l'origine du terme, l'origine linguistique littérale du terme Salaf. هذه النسبة إلى السلف, c'est une affiliation aux prédécesseurs. وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم, et de suivre leur cheminement et leur voie comme de ce qu'on a appris d'eux. وقال ابن الأثير عقب كلام السمعان السابق وعرف به جماعة. Le cheikh ibn al-Athir rahimahullah dit en annotation à la parole de Sam'ani rahimahullah, et il y a des gens qui ont été connus par cette affiliation. Pour bien prouver quel est le chemin sur lequel ils sont, hein, on leur disait Fulan, il était salafi, c'est-à-dire qu'il était sur la voie des pieux prédécesseurs. Ils disent dans le dogme, il était sur la voie des prédécesseurs. Wa atlaqa شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية. Et شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a donné ce surnom السلفية dans certains de ses ouvrages. Lorsqu'il cite certains savants, certains imams, il le précise pourquoi? Pour dire qu'ils disent les mêmes paroles, la même opinion que les pieux prédécesseurs dans l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala al-Zahabi rahimahullah fi siyar. L'imam al-Zahabi rahimahullah dit dans son livre al-Siyar, c'est-à-dire siyaru a'lam al-nubala, fal-ladhi yahtaju ilayhi al-hafiz an yakuna taqiyan zakiyan salafiyen. Il dit, celui qui veut être un hafiz. Et ici, il est voulu al-hafiz dans le sens des traditionnalistes, des savants dans le domaine du hadith. Et dans les anciens temps, on appelait une personne, on lui donnait le titre de al-hafiz, celui qui mémorise, que lorsqu'il a mémorisé près de 100 000 hadiths. Une fois qu'il a atteint 100 000 hadiths, on l'appelle Al-Hafiz. C'était, voilà, c'était dans le sens technique, on le donnait qu'à ceux qui ont dépassé les 100 000 hadiths en mémorisation. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il écrit son authentique, Sahih, il a mis 16 ans pour le compiler. Il dit, j'ai choisi ces hadiths. Il y a un peu plus de 7 000 hadiths avec les répétitions. Il dit, j'ai choisi ces hadiths de près de 600 000 hadiths de ma mémorisation. Ça veut dire qu'il a appris près de 600 000 hadiths. Et dans ces 600 000, il a choisi les plus authentiques qu'il a mis dans son livre qui s'appelle As-Sahih. Le Sahih de l'imam Al-Bukhari. Et il dit que l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était le professeur, un des professeurs de Bukhari, qui mémorisait près d'un million de hadiths. Rahimahumullah. Tayyib. Donc, il dit, le besoin qu'a celui qui est hafiz est qu'il soit quelqu'un de pieux, qu'il soit intelligent et qu'il soit sur la voie des pieux prédécesseurs. وقال رحمه الله في السير عن الدارقطني رحمه الله. Et il dit toujours dans son livre, un ouvrage, السير, c'est un ouvrage de biographie des grands savants et des grandes personnalités de l'islam depuis l'époque du prophète sallam jusqu'à son époque. Et lui, il est de l'époque d'Ibn Taymiyyah, 8e siècle de l'Hégire. C'est un ouvrage en près de 24 volumes qui s'appelle Siyar A'lamu An-Nubala. Et dans cet ouvrage, en parlant de ce grand savant, cet imam de la sunna, l'imam Ad-Darqutni, rahimahullah, en parlant de lui, qu'est-ce qu'il dit ? لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. Donc l'imam al-Zahabi, en parlant de l'imam al-Darqutni, rahimahullah, il dit, et cet homme qui est al-Darqutni n'est jamais rentré dans ses idéologies philosophiques de polémique, jamais. Il s'est retenu d'apprendre ou de rentrer dans ces choses qui sont innovées. Et il n'a jamais passé de temps là-dessus, mais plutôt, il était sur la voie des pieux prédécesseurs. كان سلفيا رحمه الله قلت et l'auteur dit je dis وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء فاضل عرفوا بالتمسك بالسنة وذب عنها. Et à notre époque, c'est-à-dire dans ces époques-là, ce dernier siècle, parce que les exemples qu'il donne, ce sont des personnes qui, par exemple, là qui va donner, une personne qui est morte, c'est après de plus de 50 ans. Mais c'est notre époque, c'est pas très loin. Il dit, à notre époque, des grands savants honorables, connus pour leur attachement à la sunna et à la défense de la sunna, ont donné ce nom, ce titre de salafi, comme Cheikh Abdurrahman al-Muallimi. Rahimahullah, un grand savant yéménite qui est al-Mutawaffa sanata 1786 Hijriya, qui est mort en l'an 1386 de l'Hégire, à peu près 1965. Donc il y a plus de 45 ans en arrière. Fi kitabihi al-Qa'id ila tashih al-Aqa'id, dans son ouvrage qui s'appelle al-Qa'id ila tashih al-Aqa'id. والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. Et le Cheikh l'imam, le grand savant, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, عبد العزيز بن باز رحمه الله, في رسالته, dans son ouvrage تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل, dans son ouvrage qui sont des remarques importante sur ce qu'a écrit Muhammad Ali Sabouni concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hada Muhammad Ali Sabouni, je crois qu'il est toujours vivant, il est connu dans le domaine du tafsir, mais il explique les versets comme certaines sectes déviantes l'expliquent. Et c'est pour ça que les ulama ont mis en garde contre les fausses explications qu'il y a dans ces ouvrages, et ils ont mis en garde contre ces ouvrages. Et ils sont répandus. Et dans beaucoup de mosquées, on retrouve son tafsir. Wallahu al-musta'an. Wa qad su'ila al-Sheikh Abdul Aziz rahimahullah hadha al-su'al. Ma taqulu fi man tasamma bis-salafi wal-athari hal hiya taskiya? Et le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah fut questionné par cette question. Allah Allah. Taïeb fut questionné cette question: que disiez-vous concernant une personne qui se fait appeler salafi ou athari, et est-ce que c'est une forme de vantardise, c'est quelqu'un qui comment on pourrait dire, une forme de se vanter, voilà, c'est la crainte qu'il y a dans le fait de le dire, est-ce que c'est une façon de se vanter? فأجاب رحمه الله. Donc رحمه الله il répond: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس. S'il est véridique, quand il dit ça, c'est une vérité. Il l'est vraiment. Il est sur la voie des pieux prédécesseurs. Et qu'il le précise en disant salafi ou athari, il n'y a pas de mal. مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري. Comme les pieux prédécesseurs faisaient lorsqu'ils parlaient de quelqu'un, ils disaient un tel, il est salafi, il est sur la voie des pieux prédécesseurs. Un tel, il est athari, il est sur les traces des pieux prédécesseurs. Tazkiya la budda minha. Là, c'est une éloge qu'on a obligatoirement besoin. Tazkiyatun wajiba. Intaha. Là se termine la parole de Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wa Sheikh al-'alim al-'allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah fi kitabih Mukhtasar al-'Ulu ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية وكتابه التوسل. De même que le grand savant, le grand muhaddith, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله, il a fait de même dans certains de ses ouvrages, comme le résumé du livre de l'élévation, son introduction de l'explication de l'عقيدة الطحاوية, ou dans son ouvrage qui s'appelle التوسل, la prise d'intermédiaire. والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله كما في الأجوبة المفيدة. De même que le grand savant صالح الفوزان حفظه الله تعالى dans son livre qui sont des questions-réponses, les réponses bénéfiques. سئل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها. Il était questionné, qu'est-ce que la سلفية? Est-ce qu'il est un devoir de suivre ce chemin et de s'y attacher? Faqal, il répondit, As-salafiyya hiya as-sayr ala manhaj as-salaf min as-sahaba wa at-tabi'in wa al-qurun al-mufaddala fi al-aqidati wa al-fahmi wa as-suluk. La salafiyya, c'est de suivre la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons, les tabi'in et les générations honorables, que ce soit dans le dogme, dans la compréhension et dans le comportement. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ سُلُوكُ هَذَا الْمَنْهَجِ. Et il est une obligation, un devoir pour le musulman de suivre cette voie. وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَيْضًا. Et parmi ces savants, il y a aussi الشيخ الفاضل علي بن ناصر فقيهي حفظه الله تعالى في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين. Donc le Cheikh Ali Nasser Faqihi, un grand savant muhaddith de Médine, dans son ouvrage الفتح المبين, qui était une réfutation à un savant soufi marocain qui est mort, qui s'appelle عبد الله الغماري. فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين. Donc ces honorables savants et bien d'autres, il en a cité à titre d'exemple, et bien d'autres n'ont pas vu de mal de se donner comme titre سلفي ou سلفية ou les سلفي. وأن المقصود بذلك, et que ce qui est voulu par là, huwa man sara ala minhaj as-salaf wa tariqatihim. Et celui, la personne, les gens qui sont sur la même voie, sur le même chemin que les pieux prédécesseurs. Wa qad adda ba'd al-kuttab al-muhdathin mimman kataba fi al-madhahib al-islamiyya. Et il y a même certains auteurs contemporains qui ont écrit sur les tendances ou les groupes qui existent dans l'islam, et lorsqu'ils ont voulu parler des salafis, ils ont dit as-salafiyyin atba'an liman sabaqahum min al-a'imma. Les salafis sont ceux qui suivent les imams qui les ont précédés. Ta'ifatun mumayyaza 'urifat bi hadha al-ism. C'est un groupe qui s'est distingué et qui est connu avec ce nom, que Muhammad, parmi ces auteurs qui ont écrit et qui ont reconnu cette affiliation, bien que c'est des noms de personnes qui n'étaient pas vraiment dans le droit chemin et dans la voie des plus prédécesseurs. Mais c'est une reconnaissance de leur part. Comme Mohamed Abi Zohra, et Mustafa Al-Shak'a, et Mohamed Saïd Al-Bouti, et غيرهم, وعدوها طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم. Et ils ont précisé que c'est un groupe de personnes qui se distinguent et qui sont connues avec ce nom. وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة. Et ils ont précisé le développement historique de cette voie, de ce groupe de personnes. وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل. Et ils ont aussi précisé que c'est la même voie, le même chemin que sur lequel était Ahmed ibn Hanbal. تجددت على عهد ابن تيمية. Et qui a été revivifié à l'époque d'Ibn Taymiyya. والإمام محمد بن عبد الوهاب. Et à l'époque aussi de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. Et ces auteurs ont prétendu que les salafis, ce sont eux-mêmes qui se sont donné ce titre. Là, le cheikh, il rapporte ce que eux ont dit là-dessus. ومنهم من يعد المذهب السلفي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي كالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. Et parmi eux, il y en a qui prétendent que la voie des pieux prédécesseurs est une époque, c'est une époque en vérité, dans le temps, une époque bien précise et non pas un cheminement et une voie islamique à suivre, comme l'a prétendu le docteur Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti. Et je pense que je vous en ai parlé dans le cours précédent. On en est arrivé à en parler. Naam. Et il y a le cheikh Salah Al-Fawzan qui a répondu et réfuté son ouvrage là-dessus dans près de 42 points à peu près. وَسَوَاءٌ صَحَّ أَنَّ الدُّعَاتِ الْعَوْدَ لَمَذَبِ السَّلَفِ هُمُ الَّذِينَ أَطْلَقُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ هَذَا اللَّقَبِ أَمْ أَطْلَقَهُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ ثُمَّ عُرِفُوا بِهِ. Même si il est vrai, c'est une supposition, si jamais il est vrai que les prêcheurs au retour à la voie des pieux prédécesseurs, ce sont eux-mêmes qui se sont donné ce titre, ou alors que ce sont d'autres qui leur ont donné ce titre-là, puis ils ont été connus par ce nom-là. فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو اعترض على إطلاق هذا اللقب عليهم. Même que c'est eux qui se sont donné ce nom, ou c'est d'autres qui l'auront donné, puis ils ont été connus par ce nom, il n'a jamais été connu chez les grands imams de l'islam, les anciens jusqu'à nos jours, que certains d'entre eux ont reproché ou ont dit que cela n'était pas bon. وأقل ما يقال في جواز التلقب بذلك والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. Et au minimum, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est un nom technique qui a été donné à des gens qui suivent les pieux prédécesseurs, et là-dessus, il n'y a pas besoin d'en faire une polémique. ثم إن العبرة هي بالحقائق والمعاني. Ça, c'est très important. Puis, la leçon à tenir dans tout ça, c'est de savoir que l'essentiel, c'est la réalité et le sens même des choses. Quelqu'un peut se donner le titre de salafi, mais lui-même, il n'a rien à voir avec salafia. Ce à quoi il appelle, ce n'est pas salafia. Sa façon de pratiquer l'islam, ce n'est pas salafia. Sa compréhension de l'islam, ce n'est pas salafia. Donc cette étiquette, elle ne lui sert à rien. Elle ne lui est d'aucune utilité. Donc, le plus important, c'est la réalité des choses. De l'être avant même d'avoir le titre. C'est de l'être, d'être sur la voie des pieux prédécesseurs. Donc ce n'est pas le fait de s'attarder seulement sur les noms, mais c'est sur la réalité des choses. وقد تقدم من المعالي ما يدل على أن المقصود بذلك huwa man sara ala manhaji salaf as-salih. Et on a vu précédemment que le sens même de ce terme et ce qui est voulu par ce terme, c'est les personnes qui suivent la voie des pieux prédécesseurs wattaba'a tariqatahum, et qui a suivi leur chemin et leur cheminement. Fala yakunu hunaka adna farq bayn at-tasammi bis-salafiyya aw bi ahli as-sunnati kama taqaddam. Et là, on voit bien qu'il n'y a aucune différence entre le fait de se nommer salafi ou de se nommer sunnite, comme on l'a vu précédemment. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.